et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 15e épisode, le déjeuner. Chez le vicomte Albert de Morcerf, se trouvent réunis Lucien de Bray, secrétaire particulier du ministre de l'Intérieur, Beauchamp, journaliste d'opposition, le comte de Château-Renaud et Maximilien Morel, capitaine de Spey et fils de l'armateur Morel de Marseille, qui fut en 1815 le patron d'Edmond Dantès. Tous ces jeunes gens de la bonne société attendent un invité de marque, le comte de Monte Cristo, qui, à Rome, sur une simple intervention de sa part, a tiré Albert de Morcerf des mains du redoutable bandit Luigi Vampa. Monte Cristo, qui fut autrefois Edmond Dantès, a dans la vie un but précis, se venger de ceux qui, autrefois, firent son malheur. Et pour se rapprocher de ses ennemis, il avait promis au jeune vicomte de venir lui rendre visite à Paris le 27 mai à 10h30 précise. Or, nous sommes le 27 mai 1838. Il est exactement 10h30 et le comte se fait annoncer. Son Excellence le comte de Monte Cristo. L'exactitude et la politesse des rois à ce qu'a prétendu, je crois, un de nos souverains. Mais quelle que soit leur bonne volonté, elle n'est pas toujours celle des voyageurs. J'espère, mon cher vicomte, que vous excuserez les 2 ou 3 secondes de retard que je crois avoir mis à paraître au rendez-vous. 500 lieues ne se font pas sans quelques contrariétés, surtout en France où il est défendu, à ce qu'il paraît, de battre les postillons. Comte, j'étais en train d'annoncer votre visite à quelques-uns de mes amis que j'ai l'honneur de vous présenter. Monsieur le comte de Château-Renaud. Monsieur. Dont les ancêtres ont eu leur place à la table ronde. Monsieur Lucien de Bray. Monsieur. Secrétaire particulier du ministre de l'Intérieur. Monsieur Beauchamp. Monsieur. Terrible journaliste, l'effroi du gouvernement français. Enfin, monsieur Maximilien Morel. Monsieur. Capitaine de Spahy. Ah. Sous cet uniforme bat l'un des cœurs les plus braves et les plus nobles de l'armée. Non. Laissez-moi dire, capitaine. Nous venons d'apprendre de monsieur un fait si héroïque que, quoique je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois, je réclame pour lui la faveur de vous le présenter comme mon ami. Ah, monsieur est un noble cœur. Tant mieux. Pourquoi en douterait-il ? Singulier personnage. Monsieur le vicomte. Messieurs, Florentin m'annonce que nous sommes servis. Mon cher comte, permettez-moi de vous montrer le chemin. Messieurs, permettez-moi un aveu qui sera mon excuse pour toutes les inconvenances que je pourrais faire. C'est la première fois que je viens à Paris, et la vie française m'est parfaitement inconnue. Cela dit, messieurs, déjeunons, je suis dans mon jour d'appétit, car depuis hier matin, je n'ai point mangé. Vous n'avez pas mangé depuis 24 heures ? Non, j'étais un peu en retard et je n'ai pas voulu m'arrêter. Vous avez mangé dans votre voiture ? Non, j'ai dormi, comme cela m'arrive quand j'ai faim, sans avoir envie de manger. Vous commandez donc au sommeil, monsieur ? À peu près, oui. J'ai une recette pour cela. Il s'agit d'un mélange excellent d'opium et de haschich. On en fait des espèces de pilules qui s'avalent au moment où l'on en a besoin. Vous portez donc toujours cette drogue sur vous ? Toujours, oui. Dans cette bonbonnière. Mais c'est une émeraude taillée. Oui. C'est votre cuisinier qui vous prépare ce régal ? Non, je suis assez bon chimiste. Et je prépare mes pilules moi-même. Cette émeraude qui les renferme est la plus grosse que j'ai jamais vue. Ah. J'en avais trois pareilles. J'ai donné l'une au grand seigneur et l'autre à notre Saint-Père le Pape. Et que vous en donnez ces deux souverains en échange? Le grand seigneur, la liberté d'une femme. Et le pape? La vie d'un homme. Et ces pépino que vous avez délivrés, n'est-ce pas? Peut-être, oui. Comme vous m'avez sauvé des mains des bandits romains. Ne parlons plus de cette misère, vicomte. Ne m'aviez-vous pas dit, à Rome, quelques mots d'un mariage ébauché? Dois-je vous féliciter sur votre prochain bonheur? La chose est toujours à l'état de projet, mais j'espère bien avant peu vous présenter, sinon ma femme, du moins ma future, mademoiselle Eugénie Danglars. Attendez, Danglars? Danglars, son père n'est-il pas le baron Danglars, le banquier? Baron de nouvelle création. Oh, qu'importe s'il a rendu à l'état des services qui lui aient mérité cette distinction. D'énormes services! Il a, quoique libéral dans l'âme, complété en 1829 un emprunt de 6 millions pour le roi Charles X, qu'il a fait baron et chevalier de la Légion d'honneur. Ah. Mais vous avez prononcé son nom comme quelqu'un qui connaîtrait le baron. Je ne tarderai probablement pas à faire sa connaissance, attendu que j'ai un crédit ouvert sur lui par les maisons Richard et Blount de Londres, Arstein & Eskles de Vienne et Thomson & French de Rome. Thomson & French? Oui. Connaissez-vous cette maison, monsieur? Ce sont mes banquiers dans la capitale du monde chrétien. Puis-je vous être bon à quelque chose auprès d'eux? Oh, monsieur le comte, vous pourriez nous aider peut-être dans des recherches restées jusqu'à présent infructueuses. Cette maison a autrefois rendu service à la nôtre et a toujours, je ne sais pourquoi, nié nous avoir rendu ce service. Je suis à vos ordres, monsieur. Messieurs, j'ai une importante question à vous soumettre. Où logerons-nous cet hôte nouveau du Grand Paris? Faubourg Saint-Germain. Au château Renaud. Vous ne connaissez que votre triste et maussade faubourg. Ne l'écoutez pas, monsieur le comte. Logez-vous Chaussée d'Antin. C'est le véritable centre de Paris. Non, non, boulevard de l'Opéra. Une maison avec balcon. Monsieur le comte verra toute la capitale défiler sous ses yeux. Et vous, Morel, vous ne proposez rien? Bien, j'attendais que monsieur se laissât tenter par quelqu'une des offres brillantes qu'on vient de lui faire. Comme il n'a pas répondu, je crois pouvoir lui proposer un appartement dans un petit hôtel tout charmant que ma sœur vient de louer depuis un an dans la rue Mellet. Vous avez une sœur? Oui, monsieur. Une excellente sœur. Mariée depuis bientôt 9 ans et aussi heureuse qu'il est permis à une créature humaine de l'être. Elle a épousé l'homme qu'elle aimait, celui qui nous est resté fidèle dans notre mauvaise fortune, Emmanuel Raymond. J'habite chez elle pendant mon semestre et... Merci, monsieur Morel. Je me contenterai d'être présenté par vous à votre sœur et à votre beau-frère, si vous voulez me faire cet honneur. Mais j'ai déjà mon habitation toute prête. J'ai envoyé d'avance mon valet de chambre, il a dû acheter cette maison et me la faire meubler. Vous avez donc un valet de chambre qui connaît Paris? Oh non, c'est la première fois qu'il vient en France. Il est noir et il ne parle pas. Alors c'est Ali? Oui. Oui, c'est mon Nubien. Mon muet que vous avez vu à Rome. Mais comment a-t-il pu? Je suis certain qu'il aura choisi toute chose selon mon goût. Il est arrivé il y a 8 jours, il connaît mes caprices, mes fantaisies, mes besoins. Il savait que j'arriverais aujourd'hui à 10 heures. Depuis 9 heures, il m'attendait à la barrière de Fontainebleau. Il m'a remis ce papier, c'est ma nouvelle adresse. Tenez, lisez. Champs-Élysées, numéro 30. Oh, voilà qui est original. Et très princier. Mais comment, vous ne connaissez pas votre maison? Non, monsieur, je ne voulais pas manquer l'heure. J'ai fait ma toilette dans ma voiture et je suis descendu à la porte du vicomte. Il faudra donc nous contenter de rendre à monsieur le comte tous les petits services qui seront en notre pouvoir. En ma qualité de journaliste, je lui ouvre tous les théâtres de Paris. Merci, monsieur, mais mon intendant a déjà l'ordre de me louer une loge dans chacun d'eux. Votre intendant ne serait-il pas le signor Bertuccio? Lui-même. Vous l'avez vu chez moi? Oui. C'est un fort brave homme, qui était un peu soldat, un peu contrebandier, un peu de tout, enfin. Je ne jurerais même pas qu'il n'a point eu quelques démêlés avec la police pour un coup de couteau. Et combien vous vole-t-il par an, cet honnête citoyen du monde? Parole d'honneur, pas plus qu'un autre, j'en suis sûr. Non, il fait mon affaire, ne connaît pas d'impossibilité, et je le garde. Hôtel aux Champs-Élysées, domestique, intendant, loge au théâtre, il ne vous manque plus qu'une maîtresse. Ah, j'ai mieux que cela, j'ai une esclave. Vous louez vos maîtresses au théâtre de l'opéra, au vaudeville, aux variétés. Moi, j'ai acheté la mienne à Constantinople. Cela m'a coûté plus, mais sous ce rapport-là, je n'ai plus besoin de m'inquiéter de rien. Mon cher Albert, il faut que je retourne à mon ministère. Messieurs, votre très humble. Monsieur, monsieur. Vous permettez? Je vous accompagne, Lucien. Albert, je parlerai du comte au ministre. Et il faudra bien que nous sachions qui il est. Et quand vous saurez qui il est, vous me le direz. Mais naturellement, je vous le promets. Merci. Au revoir, Albert. Au revoir, Lucien. Bon, je n'irai pas à la chambre. J'ai à offrir à mes lecteurs mieux qu'un discours de M. Danglars. De grâce, Beauchamp, pas un mot, je vous en supplie. Ne m'ôtez pas le mérite de le présenter. N'est-ce pas qu'il est curieux? En effet. C'est vraiment un des hommes les plus extraordinaires que j'ai vu de ma vie. Oh, venez-vous, Morel? Oui, le temps de donner ma carte à M. le comte, qui veut bien me promettre de nous faire une petite visite rue Mellet. Soyez sûr que je n'y manquerai pas, monsieur. Florentin, reconduisez ces messieurs. Bien, monsieur le vicomte. Permettez-moi, comte, de commencer avec vous mon métier de cicérone, en vous donnant le spécimen d'un appartement de garçon. Oh, vous avez là une belle maîtresse, vicomte. Joli portrait. Et ce costume de bal, l'huissier est vraiment à ravir. Monsieur, voilà une méprise que je ne vous pardonnerai pas si, à côté de ce portrait, vous en eussiez vu quelque autre. Vous ne connaissez pas ma mère. C'est elle que vous voyez dans ce cadre. Ce costume est un costume de fantaisie. Celui des pêcheuses catalanes, à ce qu'il paraît. La comtesse fit faire ce portrait pendant une absence du comte. Elle croyait lui préparer une gracieuse surprise, mais, chose bizarre, ce portrait déplut à mon père. Il est vrai de dire qu'il est un amateur d'art des plus médiocres. Si vous le voulez bien, je vais vous mener jusque chez lui. Le comte et la comtesse savent le service que vous m'avez rendu. Et ils attendaient avec impatience qu'il leur fût permis de vous remercier. Mon père, j'ai l'honneur de vous présenter le comte de Monte-Cristo. Oh, monsieur est le bienvenu parmi nous. Il a rendu à notre maison, en lui conservant son héritier, un service qui sollicitera éternellement notre reconnaissance. Madame la comtesse va descendre. C'est beaucoup d'honneur pour moi d'être ainsi, dès le jour de mon arrivée, mis en rapport avec un homme dont le mérite égale la réputation et pour lequel la fortune n'a pas fait d'erreur. Mais n'a-t-elle pas encore un bâton de maréchal à vous offrir? Oh, j'ai quitté le service, monsieur. La révolution de juillet était assez glorieuse pour se permettre d'être ingrate. Elle le fut pour tout service qui ne datait pas de la période impériale. Oui, j'ai quitté l'épée. Je me suis jeté dans la politique, je me voue à l'industrie, j'étudie les arts utiles. Ah, monsieur, voilà qui est vraiment beau. Je dirais même plus, voilà qui est sublime. Hélas, nous ne faisons pas ainsi en Italie. Nous croissons selon notre race et notre espèce et nous gardons même feuillage toute notre vie. Pour un homme de votre mérite, l'Italie n'est pas une patrie. Et la France ne sera peut-être pas ingrate pour tout le monde. Oui, elle traite mal ses enfants, mais d'habitude, elle accueille grandement les étrangers. Ah, mon père, les satisfactions du comte sont en dehors de ce monde. Il n'aspire point aux honneurs et en prend seulement ce qui peut tenir sur un passeport. Monsieur a été le maître de son avenir et il a choisi le chemin des fleurs. Justement, monsieur. Si je n'eusse craint de fatiguer monsieur le comte, je l'eusse emmené à la chambre. Non, je vous serai fort reconnaissant si vous voulez bien me renouveler cette offre une autre fois. Mais aujourd'hui, l'on m'a flatté de l'espoir d'être présenté à madame la comtesse, et j'attendrai. Ah, voici ma mère. Mais, mon Dieu, madame, mais qu'avez-vous donc? Souffrez-vous, ma mère? Non. Mais j'ai éprouvé quelque émotion en voyant celui sans l'intervention duquel nous serions en ce moment dans les larmes et dans le deuil. Monsieur, je vous dois la vie de mon fils, et pour ce bienfait, je vous bénis. Madame, sauver un homme, épargner un tourment à un père, ménager la sensibilité d'une femme, c'est faire acte d'humanité. Il est bien heureux pour mon fils de vous avoir pour ami. Et je remercie Dieu qui a fait les choses ainsi. Madame, la séance à la chambre ouvre à 2 heures et je dois prendre la parole. Allez, monsieur. Je tâcherai de faire oublier votre absence à notre hôte. Monsieur le comte nous fera-t-il l'honneur de passer le reste de la journée avec nous? Merci, madame. Mais je suis descendu ce matin à votre porte de ma voiture de voyage. J'ignore encore comment je suis installé à Paris. Alors, je ne vous retiens pas, car je ne veux pas que ma reconnaissance devienne ou une indiscrétion ou une importunité. Mon cher comte, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous rendre votre gracieuse politesse de Rome et mettre mon coupé à votre disposition. Merci 1000 fois de votre obligeance, vicomte. Mais je présume que M. Bertuccio aura convenablement employé les heures que je viens de lui laisser et que je trouverai à la porte une voiture toute attelée. Permettez-moi de prendre congé, madame. Je ne vous laisse partir que parce que je suis certaine que vous reviendrez, comte. Souffrez-vous, ma mère. Je vous trouve encore très pâle. D'une pâleur qui vous sied à merveille. Ce n'est rien, je vous assure. Mais dites-moi, Albert, qu'est-ce donc que ce nom de Monte Cristo? C'est, je crois, un titre et voilà tout. Le comte a acheté une île dans l'archipel toscan et à ce qu'il dit lui-même, il a fondé une commanderie. Ses manières sont excellentes. Croyez-vous qu'il soit ce qu'il paraît être? Je le crois maltais. Non, je ne vous interroge pas sur son origine, mais sur sa personne. Je le regarderai volontiers comme un de ces hommes que le malheur a marqué d'un sceau fatal. Vous dites? Mais n'importe, c'est un homme remarquable et qui aura les plus grands succès dans les salons de Paris. Quel âge peut-il avoir? 35 ou 36 ans. Si jeune? C'est impossible. C'est la vérité, cependant. Comment pouvez-vous en être sûr? 3 ou 4 fois, il m'a dit, et certes sans préméditation, « À telle époque, j'avais 5 ans. À telle autre, j'avais 10 ans. J'ai rapproché les dates et je ne l'ai jamais trouvé en défaut. » Et cet homme s'est pris d'amitié pour vous? Je le crois, madame. Et vous? Vous l'aimez aussi? Il me plaît. Quoi qu'en dise Franz d'Épinay, qui voulait le faire passer à mes yeux pour un homme revenant de l'autre monde. Soyez prudent, Albert. Oh, madame. Le comte ne joue pas. Il ne boit que de l'eau dorée par une goutte de vin d'Espagne. Il s'est annoncé si riche qu'il ne pourrait m'emprunter d'argent sans se faire rire au nez. Que voulez-vous que je craigne de sa part? Vous avez raison. Et mes terreurs sont folles. Albert, laissez-moi maintenant, voulez-vous? Ce diable d'homme. Je lui ai bien prédit qu'il ferait sensation dans le monde. Je mesure son effet sur ma mère. La comtesse l'a remarqué. Donc il faut qu'il soit bien remarquable. Merci, monsieur Bertuccio. Alors, et le notaire? Il est dans le petit salon, Excellence. Les cartes de visite sont faites. La première a été portée à l'instant, selon vos ordres, chez monsieur le baron d'Anglas. Bien. À présent, montrez-moi le chemin. Oh, voilà de pauvres marbres dans cette antichambre. J'espère bien qu'on m'enlèvera tout cela. Ah, monsieur est le notaire chargé de vendre la maison de campagne que je veux acheter. Oui, monsieur le comte. Voici l'acte de vente. Bien. Et où est cette maison que j'achète? Comment monsieur le comte ne sait pas où est la maison qu'il achète? Eh, ma foi, non. J'arrive de Cadiz ce matin, je ne suis jamais venu à Paris, c'est même la première fois que je mets le pied en France. La maison est située à Auteuil. Ah, qui est-il, monsieur Bertuccio? Rien, Excellence. À deux pas d'ici, un peu après Passy, au milieu du bois de Boulogne. Si près que cela. Comment diable m'avez-vous été choisir une maison à la porte de Paris, monsieur Bertuccio? Moi, mais ce n'est pas moi, monsieur le comte. Que monsieur le comte veuille bien se rappeler. Ah oui, c'est juste, oui. Oui, j'ai lu cette annonce dans un journal et je me suis laissé séduire par ce titre menteur, maison de campagne. Il est encore temps, et si votre Excellence veut bien me laisser chercher partout ailleurs... Non, non, ma foi, puisque j'ai celle-là, je la garderai. Et monsieur a raison, c'est une charmante propriété. Le contrat, s'il vous plaît. Le voici. Ah, si monsieur le comte veut bien signer ici. Et puis là... Voilà. Bertuccio, donnez 55 000 francs à monsieur. Les voici, Excellence. Bien. Avez-vous apporté les clés? Elles sont aux mains du concierge qui garde la maison. Voici l'ordre que je lui ai donné d'installer monsieur dans sa propriété. Fort bien. Mais monsieur le comte s'est trompé, ce n'est que 50 000 francs tout compris. Et vos honoraires? Et il se trouve payé moyennant cette somme. Mais n'êtes-vous pas venu d'Auteuil ici? Oh, oui, sans doute, mais enfin, monsieur le comte... Il faut bien payer votre dérangement. Merci beaucoup, monsieur le comte. Monsieur Bertuccio, reconduisez, monsieur. Auteuil, rue de la Fontaine, numéro 28. C'est bien cela. Maintenant, dois-je m'en rapporter à un aveu arraché par la terreur? Enfin, bon, dans une heure, je saurai tout. Bertuccio! Monsieur le comte. Ne m'avez-vous pas dit autrefois que vous aviez voyagé en France? Dans certaines parties de la France, oui, Excellence. Vous connaissez les environs de Paris, sans doute? Non. Non, Excellence, non. Ah, c'est fâcheux, car je veux aller ce soir même voir ma nouvelle propriété. Et en venant avec moi, vous m'eussiez donné sans doute d'utiles renseignements. À Auteuil? Moi, aller à Auteuil? Mais qu'y a-t-il d'étonnant que vous veniez... À Auteuil, quand j'y demeurerai, il faudra bien que vous y veniez. Ah, ça, mais que vous arrive-t-il? Allez-vous me faire sonner une seconde fois pour la voiture? Les chevaux de son Excellence, la voiture! Pauvre Bertuccio. Est-ce que je vais avec monsieur le comte? Bien, sans doute! Il faut bien que vous donniez vos ordres, puisque je vais habiter cette maison. Il n'y a personne. La maison est à vendre. Et la maison est vendue, brave homme. À son Excellence, monsieur le comte de Monte Cristo. Voici l'ordre du notaire. Ah. Et c'est monsieur qui vient l'habiter ? Oui, mon ami. Et je tâcherai que vous n'ayez pas à regretter votre ancien maître. Oh, monsieur, il y a 5 ans que monsieur le marquis de Saint-Méran n'est pas venu. Marquis de Saint-Méran ? Il me semble que ce nom ne m'est pas inconnu. Un vieux gentilhomme, fidèle serviteur des Bourbons. Il avait une fille unique qu'il avait mariée à monsieur de Villefort, qui a été procureur du roi, et qui doit l'être encore. Villefort. Cette fille n'est-elle pas morte ? Oui, monsieur, il y a 20 années. Et depuis, nous n'avons pas revu 3 fois le pauvre cher marquis. Merci. J'aimerais voir la maison. Bertucci, prenez une des lanternes de la voiture et montrez-moi les appartements. Oui, monsieur le comte. Tiens, voilà un escalier de dégagement. Passez devant Bertuccio et voyons où il mène. Monsieur, il mène au jardin. Et comment savez-vous cela ? C'est-à-dire qu'il doit y aller. Eh bien, assurons-nous-en. Eh bien, monsieur Bertuccio, venez donc. Non, je n'irai pas plus loin. C'est impossible. Qu'est-ce à dire ? Ce n'est pas naturel. Ayant une maison à acheter à Paris, vous l'achetiez justement à Auteuil, et que l'achetant à Auteuil, cette maison soit le numéro 28 de la rue de la Fontaine. J'espérais que ce serait une autre maison, comme s'il n'y avait pas d'autre maison à Auteuil que celle de l'assassinat. Oh, quel vilain mot. Éloignez-vous, monsieur. Je vous en supplie. Vous êtes justement à la place. Quelle place ? À la place où il est tombé. C'était Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupréyé et Serge Martel. Aujourd'hui, 15e épisode, Le Déjeuner. Avec Edmond Dantès, alias Montecristo, Pierre Santini, Bertuccio, André Weber, Lucien Debray, Gilles Guillot, le concierge, Jean Brunel, Albert de Morcerf, Richard Leduc, Beauchamp, Philippe Mercier, Château Renaud, François Marié, Maximilien Morel, Pierre Arditi, le comte de Morcerf, Jean-François Calvé, Mercedes, Martine Sarcet, le notaire, Yves Pénaud, l'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Marcel Grenier. Collaboration technique Bernard Delfieux. Régisseur de production Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 31 octobre 1980. Vous pouvez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr, à la rubrique de l'émission. Lundi, à la même heure, la suite. Et d'ici là, vous êtes évidemment autorisé à relire le roman d'Alexandre Dumas.